Ouais, ouais, secret connexion. Ahmed Coma. Coma. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ouais. Un stylo et du papier, vu que c'est tout ce qui nous reste. On dit nos trucs sur instru, on sait que la vie n'est qu'un test. 1999. Quoi, quoi? Pour l'an 1002, vieux. Premier album dédicacé à ma mère. Qui m'a donné de bons conseils. Qui m'a pas lâché, m'a pas laissé tomber. Jamais. Puis, à tous les gars qui m'entourent. Buffa, Butch, Mourad, Moncles, Haroun, Asdin, ouais. Le Dims, Dims. China, Mounir, Lichard. Les gars qui nous soutiennent, De Clo, Abbes, Jamel, Ali, Stéphane, Kusty, Jean-Mi, Karim, Ali et Sofiane, ça se passe, Kader, Ahmed Chicor, Besbar, Square Léon, la Léon. Coupe d'Or, ouais, ouais, les petits, les grands, tout le monde quoi, les jeunes, les vieux, les chats et les pites, et puis tout le monde, ouais, quoi, premier album, DJ Cutty B, mon pote. Roddy, on vit au barrio. DJ Sample, DJ Cut Killer, au Gilo, Scalp, Yvan, Ismaël, Rosé, Kondo, DJ Scrozy, DJ Sample G. Merci à Sofiane pour ta patience. Adams, Dabou, le label Reel Up, Michel et Olivier Fava, Annie Patrick, quoi, R, Diams, Blackmo. Les frères Alchinac et tous ceux qui sont venus à nos concerts. Ouais. Francesco. Pour Black Stage. Lorenzo. Quoi? Espèce de petite. Le DJ Pone. Massita. À tous les frères au placard. Aux communautés maghrébines, africaines, asiatiques, européennes. Histoire que ça aille mieux un jour. 9-9. À tous ceux qui luttent jour après jour. Les exclus, sans papier, sans avenir, sans logis, sans taf, sans famille. East, Stella, Miloud, Suleiman, reposez en paix. Je dédicace à Mehdi et ses mains qui chantent. C'était Coma, ouais, le réveil. À la prochaine, Inch'Allah.